Bouygues Télécom. Pauline de Pau rêve depuis très longtemps de posséder un super smartphone pour partager ses plus beaux moments avec ses proches. Ce serait top, mais côté porte-monnaie, Pauline se dit qu'elle doit encore économiser pour se faire plaisir. Eh bien, Pauline, bonne nouvelle! En ce moment, et seulement jusqu'au 26 octobre, c'est la vente flash Bouygues Télécom. Profitez de 70€ de remise sur tous les smartphones grâce au forfait sensation 60Go avec avantage smartphone. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition, valable pour l'achat d'un mobile de 71€ minimum, engagement 24 mois. Saint-Simon est historien, écrivain, en quête de la vérité, un portraitiste hors pair, mais c'est aussi un intrigant redoutable. Ses intrigues, les fomentent-ils ou se contentent-ils de les décrire ? Pour cette quatrième et dernière émission sur les mémoires de Saint-Simon, il est temps d'expliquer, mais d'expliquer quoi, Saint-Simon ? Il est temps d'expliquer une puissante intrigue qui partagea toute la cour. Les obstacles qui s'opposaient au mariage de mademoiselle étaient également nombreux et considérables. Le fondement de tout était monsieur et madame la duchesse d'Orléans, qui s'épuisaient inutilement en désirs et qui les noyaient dans une oisiveté profonde. Ce prince, avec tout son esprit et sa passion pour mademoiselle qui n'avait point faibli du premier moment qu'elle était née, était comme une poutre immobile qui ne se remuait que par nos efforts redoublés et qui fut telle d'un bout à l'autre de toute cette grande affaire. C'est ce qui me fut d'un travail dur et extrême, parce qu'il ne fallut jamais cesser de forcer de bras auprès de lui, ni de se rebuter des contretemps continuels de sa part qui pensèrent plusieurs fois faire tout échouer. Moins je vis de ressources à espérer de celui qui y avait le plus grand intérêt, plus je m'appliquai à en trouver d'ailleurs, et à former et diriger une puissante cabale, et de plusieurs différentes, à en faire une seule, qui se proposa puissamment le but où je tendais. Puissamment, dis-je, pour son intérêt propre, premier mobile, ou plutôt unique, de tous les grands mouvements des cours. Telles furent les machines et les combinaisons de ces machines, que mon amitié pour ceux à qui j'étais attaché, ma haine pour madame la duchesse, mon attention sur ma situation présente et future, surent découvrir, agencer, faire marcher d'un mouvement juste et compassé, avec un accord exact et une force de levier, et que l'espace du carême commença et perfectionna, dont je savais toutes les démarches, les embarras et les progrès, par tous ces divers côtés qui me répondaient, et que tous les jours aussi, je remontais en cadence réciproque. Bonjour Patrick Dandré. Bonjour Adèle Vendrette. Je suis ravie de vous retrouver à ce micro ce matin. Je dis à ce micro, mais vous êtes chez vous. Oui, mais je vous entends, je suis là. C'est le miracle des ondes, le miracle de Saint-Simon, le miracle de la culture, le miracle de la radio. Et nous sommes très très heureux de ce que nous venons d'entendre, qui est magnifique. Alors que venons-nous d'entendre, Patrick Dandré? Nous venons d'entendre le début de la centaine de pages que Saint-Simon va consacrer à un événement absolument non considérable, sans aucun intérêt, qui est le mariage du dernier petit-fils de Louis XIV encore célibataire, le duc de Berry, qui en 1710 a le choix entre deux prétendantes de sa famille, car le mariage étranger était impossible, nous avions alors toute l'Europe sur les bras. Et il y avait donc d'un côté la prétendante du côté de Madame la Duchesse, c'est-à-dire du côté des Condés. Elle s'appelait Mademoiselle de Bourbon, elle était patronnée, protégée par le père du jeune homme encore célibataire, le grand dauphin, Monseigneur. Puis de l'autre côté, il y avait celle pour qui Saint-Simon va monter toute cette cabale et animer tous ces rouages, et qui s'appelait Mademoiselle de Chartres, et qui était la fille de monsieur et madame la duchesse d'Orléans, c'est-à-dire tout simplement celui que nous appelons le régent. Il deviendra le régent à la mort de Louis XIV. Donc c'est une aventure qui en soi n'a pas une grande importance, parce que le malheureux marié, le duc de Berry, mourra 4 ans plus tard, et sa veuve mourra 5 ans après lui. Ils n'ont pas laissé beaucoup de traces dans l'histoire, sinon que la fille, que l'on a surnommée Joufflotte parce qu'elle est devenue obèse, a eu beaucoup d'amants, a fait enrager la cour, a déchaîné la hargne et la méchanceté des feuilletonistes qui ont déclaré qu'elle était l'amante incestueuse de son père, et finalement a laissé un souvenir assez sinistre qui a contribué à faire penser tout le mal que l'on pense, selon Saint-Simon, de la régence. Voilà, alors ça c'est rien, vous voyez, c'est le rien que Saint-Simon décrit. Et à côté, c'est tout. Et pour tout vous dire, j'ai même voulu un jour éditer avec Grégory Gicquiot cette intrigue du mariage de Monseigneur le duc de Berry, avec l'espoir que ça deviendrait un livre absolument indispensable à tout étudiant de Sciences Po et de l'ENA. Pourquoi ? Parce que l'intrigue est un objet considérablement intéressant. L'intrigue, je voudrais dire à nos auditeurs qui se disent « Mais enfin, Adèle Vendrette s'est trompée de Saint-Simon, quoi. Le Saint-Simon pour les chemins de la philosophie, c'est celui du 19e, c'est celui du le penseur là de la société, du social, de l'économie. » Pas du tout ! Le Saint-Simon qui nous intéresse, le Saint-Simon philosophe, c'est celui de l'intrigue du mariage de Monseigneur de Guebéry, parce que l'intrigue est un objet philosophique considérable. C'est un objet d'abord politique qui vous donne une anatomie du pouvoir stupéfiante. Mm-hmm. Tous les rouages, de haut en bas, la construction, les rencontres, l'art de saisir l'à-propos. Vous savez, par exemple, en juin 40, être au bon moment à Londres plutôt qu'à Bordeaux. Vous voyez, des choses comme ça, quoi. Mm-hmm. Et puis, à ce moment-là, avoir un micro. Et un micro, Dieu sait tout ce que l'on peut en faire. L'art de la politique dans les coulisses, vous voyez. Pas les apparences, mais comment on en arrive à une décision. Cette chose considérable qui est une décision, hein, avec des comités, avec des conseils, avec des savants. Et puis un jour, ben le chef, le monarque, donne la décision. En même temps, c'est totalement psychologique. C'est-à-dire que vous avez une véritable analyse spectrale de tous les gens que Saint-Simon va mettre en jeu. Là, il a commencé à nous en donner quelques-uns. Je vous épargne la liste de tous les autres. Il les connaît tous. Il sait les faire réagir comme des personnages de roman. Il sait par où les prendre, les uns par la vanité, les autres par l'intérêt de l'État, d'autres encore par leur intérêt personnel, certains par leur goût de l'argent, et ainsi de suite. Et il joue à tisser un réseau, c'est une araignée autour de ça. Il propose une vraie anthropologie du désir. Mmh. Et par là, c'est plus qu'une anthropologie du désir. Je vais vous faire un aveu, Adèle, je lis Saint-Simon comme on lit Lévi-Strauss. Pour moi, c'est un monde totalement inconnu, étrange, avec des mœurs de cour qui sont totalement hors de chez nous, presque désuètes. Enfin, un monde aussi bizarre que les Bamileke du Cameroun. Et puis, au sein de cet incongru, de cet insolite, de cet étrange, de ce ténu, l'effet de stupeur d'une proximité. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que ces gens appliquent, ce sont nos règles. La syntaxe, la logique dans laquelle ils sont, ce sont les nôtres. De même que Lévi-Strauss nous a montré que derrière une activité de vaudou, derrière un mariage étrange à l'intérieur d'une tribu, ben, il y a tout simplement une logique qui fonctionne, que nous comprenons. Et c'est pourquoi la lecture de Saint-Simon, en créant le décalage de l'exotisme, nous permet l'acuité de la connaissance. Donc plus que philosophe, Saint-Simon serait anthropologue à vos yeux. Il est anthropologue, il est psychologue, il est politique, mais n'oublions pas qu'il est aussi esthéticien, parce qu'une intrigue, c'est quand même quelque chose de littéraire aussi. Alors, bien sûr, il fait le récit d'une intrigue, mais pour faire le récit d'une intrigue, ordinairement, il faut intriguer le récit. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il faut le raconter en le mettant en forme. Il a beau le faire, comme l'explique très bien Marc Hersant, avec une intention d'historien, c'est quand même un historien qui met en jeu des procédés, des qualités, une langue, quelle langue, qui sont essentiellement littéraire, pour monter une intrigue avec la puissance de l'intrigant en chef qui va lui succéder très bientôt, Figaro. Vous savez, Figaro qui dira dans Le Mariage, l'intrigue, la politique, je les crois un peu germaines. Justement. Et cette esthétique, ce tissage, parce que dans l'intrigue, il y a tissage, que Saint-Simon décrit sous la forme des ressorts d'une action qu'il monte en cadence, ça évoque quand même l'image du grand horloger. Et je ne vous demanderai pas, chère Adèle Vendrette, qui est le grand horloger. Vous le savez, au XVIIIe siècle, c'est Dieu. Et il y a là une dimension métaphysique. Saint-Simon devient le dieu de ses personnages. C'est-à-dire qu'il meut tout cet univers en cadence et il donne l'heure avec cette horloge. Et nous avons donc au total, si je fais bien la liste, la politique, la psychologie, l'esthétique et la métaphysique. Est-ce que ce n'est pas la philosophie ? Ah, c'est comme ça que vous en arrivez à la conclusion du Saint-Simon philosophe. C'est un terme qui n'a pas encore été employé cette semaine par mes différents invités depuis lundi. On a insisté sur son intention, sa volonté de faire un travail d'historien, de dire la vérité. On a parlé du style hier avec Marc Hersant, justement, savoir si ce style littéraire était quelque chose que lui voulait produire ou si c'était bien malgré lui. Vous vous dites non, philosophe, il y a une pensée, une problématique Saint-Simon, c'est ça ? Disons qu'il y a une éthique sombre de l'intrigue comme ressort du vouloir vivre humain. C'est-à-dire que Saint-Simon a une conception du monde. Il a une conception du monde qui est d'ailleurs assez sinistre et qui va trouver dans cette intrigue du mariage de Monseigneur le Duc de Berry une illustration prodigieuse. C'est que lorsqu'il aura enfin obtenu le mariage de sa prétendante, celle qu'il a poussée sans qu'on sache que cela venait de lui, car s'il ne nous avait pas révélé ça, on n'aurait jamais su que c'est lui qui avait manœuvré et mis tous ses rouages en action. Une fois que c'est terminé, on demande à Madame de Saint-Simon de devenir la dame d'honneur de cette nouvelle princesse. Or, cette princesse est de sang mêlé dans la mesure où elle est la fille d'une enfant illégitime de Louis XIV, ce que Saint-Simon appelle une bâtarde, du haut de sa grandeur et de son refus de l'illégitimité. Madame de Saint-Simon est tout à fait en état de déroger si elle accepte, et Saint-Simon est prêt de partir en vacances et de casser sa puissance à la cour au moment où il a atteint le fait, où il est au Capitole. Il est prêt de tomber sur la roche tarpéienne, il acceptera finalement, et il termine en disant que ce mariage ne leur a causé que des ennuis, parce que la fille était ingérable, parce qu'elle a représenté pour Saint-Simon, qui était pieux et moral, le comble même de la dépravation et de tout ce qu'il redoutait chez son ami le régent, parce que finalement, Madame de Saint-Simon n'a rien pu faire dans une fonction qui était tout à fait inférieure à ce que le duc et père estimaient être de son honneur et de sa grandeur. Bref, quand on obtient ce que l'on veut, on prend conscience de la vanité de tout ce que l'on obtient. Et je pense qu'il y a là une leçon philosophique, une leçon presque religieuse, car je n'ai pas peut-être ajouté cet élément à ma liste des ingrédients qui font de Saint-Simon un philosophe malgré lui, c'est qu'il y a une dimension religieuse très forte et que ce qui domine chez cet auteur du XVIIIe contemporain de Voltaire, c'est quand même ce sens de la vanité de tout qui est plutôt du temps de Bossuet, disons-le, que du temps de Voltaire, et qui fait de Saint-Simon un grand chrétien désespéré de ce qui meut les hommes, c'est-à-dire les cabales. Vanité peut-être, philosophe sans doute, ce qui est sûr c'est que Saint-Simon accorde beaucoup d'importance à ses titres de noblesse. Monsieur mon mari. Madame ma femme. Est-il vrai que vous descendez de Charlemagne? On le dit, tout au moins, selon un douteux cartulaire de Philippe Auguste qui semble faire état du mariage d'un certain Eudes l'Insensé, descendant de la tige carolingienne des comtes de Vermandois, avec une certaine Avide, fille d'un seigneur de Saint-Simon. D'ailleurs, sur nos armes, ne portons-nous pas l'échiquier d'or et d'azur attribués aux Vermandois? Peut-être, puisque vous cherchez nos origines, vous plaira-t-il de savoir pourquoi et comment mon père est devenu duc. Oh, certes. Le feu roi Louis XIII était toujours agacé à la chasse de devoir perdre du temps à changer de monture. Et mon père eut l'idée de lui présenter le cheval de rechange à rebours du précédent. Le roi, sans descendre, n'avait ainsi qu'à changer d'étrier et faire volte-face. C'est fort ingénieux. Il avait été nommé premier écuyer, puis grand louvetier, puis premier gentilhomme de la chambre, puis gouverneur de Blaye. Il avait fort heureusement conseillé Louis XIII au cours de la fameuse journée des dupes, en donnant au roi l'avis de rappeler Monsieur de Richelieu. Et c'est ainsi qu'à 27 ans, il reçut le titre de duc et pair. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Saint-Simon cette semaine, aujourd'hui, dernier temps, en compagnie de Patrick Dandré, qui est avec nous depuis chez lui. Vous venez d'entendre une fiction radiophonique qui date du 5 janvier 1974. Et oui, cette année-là, sur France Culture, on pouvait écouter une fiction autour de Saint-Simon dans laquelle on entend le récit que lui-même fait à son épouse, eh bien, de l'obtention de ses titres de noblesse auxquels il tient tant, Patrick Dandré. Et avec la voix, si j'ai bien entendu, de Michel Bouquet, que l'on salue comme un immense comédien. Oui, il y a là quelque chose qui n'est pas tout à fait juste, dirais-je. Saint-Simon n'avait pas la sottise de se montrer vaniteux, même s'il avait un peu la vanité, je n'ose pas dire des parvenus, mais enfin d'un duc et pair qui n'était pair que depuis assez peu de temps, c'est-à-dire le règne de Louis XIII, ce qui fait qu'il a eu dans toute sa conduite, une espèce d'obsession de faire respecter son rang, et par là de faire respecter les rangs, et par là une obsession de hiérarchie, une obsession de pyramide de la société, avec chacun à sa place et personne ne doit bouger. Et là encore, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, cette impression que c'est quelque chose d'un peu vétuste, cette impression que c'est bon, une chose qui n'a pas beaucoup de sens, il faut y voir derrière, bien plus que cela, une philosophie du temps. Vous savez, que dans l'œuvre de Proust, il y a ce passage cité par Saint-Simon qu'adorait le grand-père du narrateur, où Saint-Simon écrit qu'il ne sait si ce fut par ignorance ou panneau que M. de Maulévrier osa espérer donner la main au fils Saint-Simon. Alors, donner la main, ça voulait dire faire marcher à sa droite, ce qui voulait dire que le marquis de Maulévrier se mettait au-dessus des enfants d'un duc et père, ce qui était absolument scandaleux et ne pouvait être que l'origine d'une ignorance ou bien une volonté de faire tomber dans le panneau. Ça devient ignorance ou panneau, c'est plus court. Et cette chose est dite devant une jeune demoiselle dans le roman qui s'écrie que c'est absurde, c'est snob, c'est dépourvu de tout sens démocratique, c'est indigne, etc. Oui, mais c'est l'émanation et l'expression d'une relation au temps, d'une trahison du temps. Vous savez, Saint-Simon est écartelé, comme tout son temps, entre l'esprit rétrospectif de l'humanisme, qui regarde toujours vers l'Antiquité, et le progrès des Lumières, qui regarde toujours vers l'avenir et pense que l'avenir sera meilleur. Et il a reporté cela sur sa propre vie. Louis XIII, c'est l'âge d'or, son père devient père. Louis XIV, c'est la dégradation, nous entrons dans l'histoire. Et Louis XV, alors là, c'est la fin de l'histoire, excusez Hegel, c'est la fin de l'histoire, il faut prendre sa retraite. Et alors il se met à écrire, pourquoi ? Pour expliquer pourquoi tout fout le camp. C'est-à-dire qu'il fait une sorte de confession des actions qui rachète la dégradation du temps. En gros, sa conception de l'histoire universelle dépend de son histoire personnelle qu'il défend un peu comme un parvenu, pourrait-on dire. Mais derrière cela, il y a toute une conception. C'est aussi grand que la conception de Chateaubriand, sauf que Chateaubriand a aussi une compréhension de l'avenir que n'avait pas Saint-Simon. Mais c'est l'idée qu'il y a un ordre divin, qui est une forme d'harmonie, qui a une puissance et une perfection presque esthétique, et qui est un signe de la permanence des choses. Cette obsession de légitimité qui fait qu'il hait les bâtards, qu'il hait les progressions de rang qui sont indues, qu'il hait les usurpations, cette idée de la décadence éternelle, c'est une conception du temps qui joue contre l'histoire. C'est cela l'œuvre de Saint-Simon. Mmh. C'est un imaginaire du temps, une philosophie du temps qui joue contre l'histoire parce qu'il veut bloquer le temps. Et sachant que les rangs de droit n'existent plus, il lui arrive de tenter de mouvoir les rangs de fait par de l'intrigue, et c'est le passage que nous lisions tout à l'heure. Mais au fond de lui-même, sa conception globale, c'est celle de l'immuabilité, hélas perdue, et de la désespérante observation des mécanismes par lesquels s'enclenche l'histoire, l'intérêt, les désirs humains, bref, tout ce qui gâche la beauté du tableau, qui devrait être un tableau de statisme total. En cela, il est à la fois terriblement émouvant, terriblement profond, terriblement poète. C'est un historien poète, et j'ai envie de réunir les deux. Peut-être, après tout, les historiens poètes sont ceux des philosophes. Alors, ces intrigues puissantes que Saint-Simon évoquait dans le premier texte que nous avons entendu, Saint-Simon se contentait-il de les décrire ou bien les fomentait-il ? Voici, en guise d'esquisse de réponse à cette question, un autre extrait des mémoires de Saint-Simon dans lequel vous allez entendre un portrait du narrateur en intriguant. C'est un texte lu par Daniel Mesguich. Je repassais dans mon esprit tous les obstacles généraux et particuliers pour m'accoutumer à n'en être point effrayé et pour chercher les moyens de les vaincre. J'en examinais les divers genres. Je les balançais, je les pesais à part et ensemble. Je les pénétrais tous pour me former un plan de conduite pour attaquer, à découvert ou en biaisant par à côté, selon leurs diverses natures, les uns indispensables à renverser, mais pour les autres trop forts, passer à côté et n'en effleurer que le purement nécessaire, persuadé qu'il fallait que je commençasse par l'être moi-même de la possibilité du succès avant d'en pouvoir persuader les autres, et cela même qui y avait tout intérêt. Je conçus aussi que toutes mes combinaisons devaient être dans ma tête et bien débrouillées, et que nous fussions tous persuadés et d'accord avant de remuer aucune machine. Une triste expérience, mais continuelle sur la plupart des événements principaux, m'avait depuis longtemps convaincu que le solide, l'essentiel, le grand, avait changé de place avec la bagatelle, le futile, la commodité momentanée. Que les plus importants effets étaient depuis longtemps toujours sortis de cette dernière source, et je compris que je pouvais en tirer un grand parti dans cette occasion. France Culture, les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett. Je crois que les choses sont claires, Patrick Dandrey. Ces intrigues, il ne se contente pas de les coucher sur le papier. Il en est parfois à l'origine, on sent une volonté, alors peut-être que le terme de manipuler est un peu fort, en tout cas, on a celui de machine, il est bien l'artisan de quelque chose et sans doute d'intrigue. Exactement, d'ailleurs ce texte est à rattacher au premier qui a été lu au début de notre entretien. C'est la suite, si vous voulez, c'est la manière dont il prépare son coup, en se préparant à ce coup. Alors vous avez vu comment la fin de ce texte, admirablement lu, depuis le début, nous n'entendons que des comédiens vraiment magnifiques dans la lecture de Saint-Simon. Là, c'est Daniel Mesguich, oui, qui a lu pour nous cette semaine, d'ailleurs. Tiens, le remercie. Saint-Simon a une langue qui donne un génie extraordinaire et qui... Je ne sais plus si c'est Mesguich qui sert Saint-Simon ou Saint-Simon qui sert Mesguich, mais en tout cas, c'est réciproque. Et donc, nous entendons que la bagatelle, le futile, la commodité momentanée ont changé de place avec le solide, l'essentiel et le grand. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous voyez. Il agit, bien sûr, au milieu, il se met les mains dans le cambouis, dirait-on, mais il le fait avec le sentiment que... À quoi bon, vous voyez, il agit, mais tout en sachant que tout est perdu. Vous savez qu'un des éléments qui a été déterminant dans sa vie, c'est quand le maréchal Luxembourg est passé du 18e rang des pairs au second rang avec l'appui du président de Harlay, parce qu'il avait favorisé, ce président de Harlay, la préséance des bâtards sur les ducs et pairs. Et pour Saint-Simon, ça a été la catastrophe absolue, parce qu'il y a eu mépris de la hiérarchie, arbitraire et partialité du roi, faveur des bâtards, hardiesse des usurpations par des parlementaires, c'est-à-dire des bourgeois, et donc promotion de la bourgeoisie. Alors, vous voyez, ce sont des événements comme ça qui sont des catastrophes. Et puis à d'autres moments, il oublie un peu tout cela et il lance l'intrigue qu'il est en train de lancer. Il le fera d'une manière étonnante. Il ira jusqu'à entreprendre la maîtresse du grand dauphin qu'il appelait la Chouin, parce qu'elle s'appelait Mademoiselle Chouin. Et il y a une conversation entre eux qui est une merveille parce que elle sait qu'il la méprise. Il sait qu'elle le considère comme une sorte de toquet qui est tout toquet de ses rangs et qui n'est pas un homme auquel faire confiance et avec lequel agir. Et pourtant, ils s'entendent parce qu'ils ont un intérêt commun. Et quand je vous disais que ce texte devrait être mis au programme des écoles de pensée politique, c'est que nous avons ici le début, et ça continue, nous pouvons tout entendre, d'une analyse de la prise de décision. La prise de décision. Et la semaine dernière, il y a eu en France une décision prise à propos d'une guerre contre un virus. Bon, cette décision, elle émane d'un homme. En l'occurrence, c'est un président de la République. Sous Saint-Simon, c'était un roi. Mais peu importe, il y a quelqu'un qui doit la prendre. Et ce quelqu'un a été informé par une pyramide d'informations. Bon, j'espère que les informations étaient moins... ce que Saint-Simon nous décrit, et qui est particulièrement plein d'intrigues, d'intérêts personnels. Mais il y a dû y en avoir, parce qu'il y en a toujours, et l'important c'est de le savoir. Que fait-il ? Il analyse les forces et les faiblesses en présence, et il commence par les siennes propres. C'est-à-dire qu'il essaie de faire une introspection avant de partir à la chasse, pour savoir exactement ce qu'il fait, ce qu'il veut, ce qu'il peut. Le principe de l'action, si vous voulez, c'est une sorte d'analyse de l'effectif. Les positions, les forces et les faiblesses, qui l'on est, ce que l'on veut. Pour surtout ne pas changer d'avis au passage du guet. Vous voyez, quand il parle du duc d'Orléans comme d'une poutre qu'il fallait tout le temps mouvoir, il le mouvait et l'autre retombait. Ça nous rappelle le cardinal de Ré avec un Gaston d'Orléans, qui était toujours la même chose. Le cardinal de Ré, le conseiller, lui disait, il faut faire. Puis au dernier moment, Gaston d'Orléans renonçait. C'est très agaçant pour les conseilleurs, ce genre d'attitude. Et il faut en tenir compte. Et puis, ces forces qu'il a analysées, il va les nouer en les interconnectant. Et là, il va jouer sur les passions. Et en sachant que la passion de toutes les passions, c'est l'intérêt. L'intérêt de chacun. Et il va monter ça en une intrigue qui est le fruit d'une cabale. La cabale, c'est le parti. L'intrigue, c'est la mise en action de la cabale. Et l'arme qu'il a, et ça c'est vraiment formidable, et ça fait de lui un héros au-dessus de tous les héros militaires, l'arme qu'il a, ce n'est ni l'argent, ni le pouvoir, ni le renom, c'est la conviction par la parole. Par la parole ou par l'écriture ? Par la parole, parce que ce qu'il a fait, c'est rencontrer des gens, leur parler, et ce qu'il écrit, ce sont les conversations qu'il a eues avec eux. Alors bien sûr, l'écriture retranscrit cela, mais la réalité première, ça a été la puissance de conviction de la rhétorique. Et là, nous sommes devant une société qui vit sur la rencontre de trois formidables pouvoirs. Un, le pouvoir de l'éloquence, la rhétorique qui plonge ses racines dans l'Antiquité. Deux, la réflexion des moralistes, c'est-à-dire la capacité de connaître, de comprendre. Et vous savez, la décision qu'il prend d'agir, il nous l'explique, c'est un pari de Pascal. Il regarde ce qu'il a à perdre, il regarde ce qu'il a à gagner, et ce qu'il a à gagner est tellement formidablement infini par rapport au peu qu'il aurait à perdre que de toute façon il faut parier. Ça, c'est sa dimension moraliste. Et puis il y a un troisième pivot, si vous voulez, sur lequel se bâtit cette espèce de triptyque de l'action. Et ce troisième pivot, ça va être les arts de cour. C'est-à-dire la conversation de cour, l'art de dire les choses sans en avoir l'air, de donner l'impression aux gens que vous prenez plaisir à les entretenir et que c'est d'eux que viennent les idées que vous leur mettez dans la tête. Parce que le véritable art de produire de la décision, c'est de faire croire à chacun que vous ne lui avez pas suggéré de faire ce qu'il va faire, mais que vous lui avez simplement montré que c'est ce qu'il voulait. Et ça, ça va monter, monter, monter jusqu'au roi. Personne ne détestait autant que Louis XIV se faire forcer la main. Et Saint-Simon va faire jouer sa bête noire, Madame de Maintenon. Il va faire jouer des gens qu'on n'aurait pas attendus pour obtenir du roi cette prise de décision. Et il faut que le roi ait l'impression qu'il l'a prise lui-même, la décision. Or, le roi va hésiter. Savez-vous pourquoi ? Parce que le roi a peur de son fils. On nous parle beaucoup de l'absolutisme de Louis XIV. Vous savez, une famille royale, c'est très compliqué. Monseigneur n'est pas pour le mariage avec Mademoiselle de Chartres. Et donc le roi est tout à fait ennuyé, et lorsqu'il obtient de circonvenir son fils après une scène qui est désopilante et absolument merveilleuse, le roi se révèle, et je cite Saint-Simon, « soulagé de n'avoir pas rencontré la résistance qu'il avait tant appréhendée ». Louis XIV appréhende. C'est une vision du pouvoir qui est formidable. Ça nous prouve qu'il n'y a pas de pouvoir immense. Il y a des pouvoirs qui sont toujours limités. Oui, mais vision du pouvoir, même à vous écouter, j'ai l'impression que Saint-Simon ne fait pas que regarder ce pouvoir. C'est qu'en fait, il détient un grand pouvoir. Alors, Quel était-il réellement dans la cour du roi, ce pouvoir de Saint-Simon ? Tellement peu que cela se passe quelques mois après qu'il a failli fuir dans un exil définitif. À cause de conflits qu'il avait eus, de propos qu'il n'aurait pas dû avoir, à cause du fait qu'il était proche de Philippe d'Orléans, qui lui-même avait énormément déplu par des propos de corps de garde dont l'obscénité fait que je ne pourrais pas vous en parler à propos de Madame de Maintenon et de Madame des Ursins. Allez, je vous le dis, il parlait du con général et du con capitaine. Tout cela fait que donc il était très mal vu de Louis XIV et il a eu alors, avant l'intrigue dont nous parlons en ce moment, un entretien avec le roi, en tête à tête, qu'il retranscrit, on peut penser qu'il le retranscrit honnêtement, qui est une chose formidable, quoi. C'est Malraux et De Gaulle, si vous voulez. C'est quelque chose de cet ordre et de cette puissance, et où le roi lui dit « Mais aussi, monsieur, c'est que vous parlez toujours, car Saint-Simon ne cessait de récriminer. » Donc il n'a pas une très grande puissance à la cour. Sa seule puissance, c'est la force de conviction. Et je vous parlais tout à l'heure du 18 juin 40. Qu'est-ce qu'il avait d'autre, le général de Gaulle, que sa force de conviction et un micro ? Et c'est pourquoi je vous dis que les textes de Saint-Simon qui paraissent si futiles et frivoles sont en réalité des textes si profonds. Parce qu'avec de la parole, on peut renverser les montagnes. Mais j'ai l'impression à vous écouter que votre Saint-Simon est plus du XVIIe siècle que du XVIIIe siècle. Est-ce que je me trompe ? Alors, ce que je vous décris se passe sous Louis XIV, c'est vrai, c'est-à-dire dans une continuation d'un siècle qui n'en finit pas de mourir. Et c'est une des raisons sans doute pour lesquelles Saint-Simon a une vision si triste et décadente, en somme, de l'histoire. Il a vu la fin du règne, il n'a pas vu le début. Il est né dans la fin, au milieu de ces années 70, qui était celle du triomphe absolu, vous voyez, de la paix de Nibègue, le roi en triomphe, le roi soleil, etc. Et il arrive à un moment où la cour est endeuillée, où la France est en difficulté, où le roi doit obéir à l'opinion publique. Vous savez qu'il y a eu deux choses que Louis XIV a faites et qui ont été terribles et qui prouvent aussi, et ça c'est une chose que nous comprenons avec Saint-Simon, que la toute-puissance ne garantit pas de l'humiliation. Il a dû faire découvrir ses jardins aux traitants, c'est-à-dire au financier Samuel Bernard, parce qu'il avait besoin de son argent pour faire la guerre. Vous savez, c'était une époque où on empruntait. Il fallait absolument mettre le petit-fils du roi sur le trône d'Espagne, quoi qu'il en coûtât. Vous voyez, c'est très très ancien comme histoire. Et puis, d'un autre côté, autre chose qu'il a dû concéder, il a dû accepter de renoncer à ses marlis. Les marlis, c'était, comment vous dire, c'était le fort de Brégançon, quoi. C'est-à-dire les vacances du roi. Et il a dû y renoncer parce que, étant donné l'état de la population, les gens grognaient, la France se plaignait. Il n'y avait pas encore de gilets de couleur jaune, mais enfin, il y avait du mécontentement. Et donc, il y a renoncé et il était furieux. Et d'ailleurs, Saint-Simon nous dit qu'il s'est plié avec un caractère chagrin à ne le pouvoir cacher et avec une espèce de joie amère à réduire son train parce qu'on l'y obligeait. Quelque chose de presque enfantin, presque puéril, dans le mécontentement de ce roi qu'on dit tellement absolu, mais qui écoutait son opinion publique. Oui. Parce que ça joue toujours, l'opinion publique. Alors écoutons un nouvel extrait des Mémoires de Saint-Simon, un portrait cette fois-ci, et je voudrais juste que vous nous disiez en quelques mots, Patrick d'André, de qui il s'agit. C'est le portrait du favori Lauzun. Qui est Lauzun ? Alors le petit Lauzun était un cadet de Gascogne qui est monté à Paris et qui, avec l'appui d'un puissant cousin qui était maréchal de France, s'est insinué dans la cour du très très jeune Louis XIV, c'était encore l'époque de Mazarin, et s'est mis à nouer avec le roi une dilection très étrange. Il l'amusait, il était une espèce de fou du roi. Je vous expliquerai peut-être après que nous aurons entendu ce texte en quoi il était également fou de son roi, au sens où nous dirions fou d'amour. C'était donc un de ses favoris. Louis XIV avait dit qu'il n'aurait pas de favori, mais au sens ministre favori, vous voyez, un favori qui gouverne. Mais il a eu des favoris de cœur, Lauzun en est un. C'est un personnage considérable et mineur. Il a failli devenir le cousin du roi en épousant la grande mademoiselle. Il a fait des frasques incroyables, et La Bruyère dira de sa vie que ce serait un roman s'il n'y manquait la vraisemblance. Voici le texte. Je précise, avant de l'entendre, que le personnage de Puy-Guilhem, c'est le fameux Lauzun. Parmi tous ses amours, le roi ne découcha jamais avec la reine, souvent tard, mais sans y manquer. Tellement que, pour être plus à son aise, il se mettait les après-dîners entre deux draps chez ses maîtresses. Puy-Guilhem se fit cacher par une femme de chambre sous le lit dans lequel le roi s'allait mettre avec Madame de Montespan. Il y entendit tous les propos qui se tinrent de lui, entre le roi et sa maîtresse, et que celle-ci, qui lui avait tant promis tous ses bons offices, lui en rendit tous les mauvais qu'elle put. Une toux, le moindre mouvement, le plus léger hasard, pouvait déceler ce téméraire, et alors, que serait-il devenu ? Ce sont de ces choses dont le récit étouffe et épouvante tout à la fois. Il fut plus heureux que sage, et ne fut point découvert. Le roi et sa maîtresse sortirent enfin de ce lit. Le roi se rhabilla et s'en alla chez lui. Madame de Montespan se mit à sa toilette pour aller à la répétition d'un ballet où le roi, la reine et toute la cour devaient aller. Lorsqu'elle sortit pour aller à la répétition du ballet, il lui présenta la main et lui demanda avec un air plein de douceur et de respect s'il pouvait se flatter qu'elle eût daigné se souvenir de lui auprès du roi. Elle l'assura qu'elle n'y avait pas manqué et lui composa comme il lui plut tous les services qu'elle venait de lui rendre. Par-ci par-là, il l'interrompit crédulement de questions pour la mieux enferrer, puis s'approchant de son oreille, il lui dit qu'elle était une menteuse, une fripe, une coquine, une pute à chien, et lui répéta mot pour mot toute la conversation du roi et d'elle. Madame de Montespan en fut si troublée qu'elle n'eut pas la force de lui répondre un seul mot, et à peine de gagner le lieu où elle allait, avec grande difficulté à surmonter et à cacher le tremblement de ses jambes et de tout son corps, en sorte qu'en arrivant dans le lieu de la répétition du ballet, elle s'évanouit. Enfin, j'ai dit que c'était un portrait, c'est bien plus que ça. C'est une scène que je trouve en tout cas hilarante, où l'on découvre ce Lauzun puis Guilhem, donc ce même personnage qui va se glisser sous le lit de Madame de Montespan et du roi pour tenter de surprendre leur conversation, Patrick Dandré. Alors voilà, bon, ça pourrait être une histoire d'alcôve. Je dirais que c'est un regard spectral, une radiographie de ce qu'est la faveur, de ce qu'est un favori et de la dimension affective qu'il y a dans les rapports politiques. On oublie souvent cette importance extrême de l'affectif dans le politique. Je crois que Saint-Simon nous l'apprend. Ici, bon, c'est anecdotique, c'est drôle, et la lecture est réjouissante, bien sûr. D'ailleurs, Lauzun se demandera toujours pourquoi il a été, quelques années plus tard, condamné à bien des années de forteresse à Pignerolles. Les historiens s'interrogent toujours. Moi, j'ai un peu mon idée sur la question. Parce qu'enfin, Madame de Montespan a bien dû se douter que s'il lui répétait tout ça, c'est qu'il était sous le lit. Et Louis XIV a alors compris ce qu'il en était de cette affaire. C'était pas la première affaire. Lauzun en a fait beaucoup. Et on a l'impression que le rôle d'un favori, c'est de jouer sans cesse au vertige de la faveur. Lauzun était terrifiant pour cela. Il y a une autre anecdote qui nous le montre, obtenant le commandement de l'artillerie du roi. C'était pas rien. Et Louis XIV, qui équilibrait les puissances, lui dit, ne le répétez pas. Il avait peur que Louvois, ministre de la guerre, ne prît ombrage de l'arrivée de ce favori qui était ingérable à la tête de son artillerie. Et que fait Lauzun? Il sort, il en parle immédiatement au premier valet de chambre. Pourquoi? Parce qu'il est tellement content qu'il ne peut pas se taire. Évidemment, le premier valet de chambre, pour se faire bien voir, va le répéter à Louvois. Louvois tombe sur Louis XIV. Louis XIV, qui détestait qu'on lui fît ainsi des reproches et qui détestait que l'on trahît les secrets, dites à Lauzun, vous n'aurez pas l'artillerie. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est une scène célèbre, je me permets quand même de l'évoquer. Non, je la connais pas, allez-y. Eh bien, Lauzun va voir le roi et lui dit que, lui dit pique-pendre, peut-être pas qu'il était une pute à chien, mais dans le même genre, et il lui dit, je ne veux plus servir un monarque qui n'a pas de parole. Il prend son épée et il la casse en deux sur sa cuisse. Alors, vous savez ce qu'a fait Louis XIV? Non. On était dans la galerie des glaces, il s'est approché d'une fenêtre, il a ouvert la fenêtre, il a pris la très forte canne qu'il avait à la main, il l'a jetée dans le jardin et il a dit « Je ne voudrais pas qu'il fût dit que j'ai bâtonné un gentilhomme ». Et Saint-Simon dit que c'est l'une des plus belles paroles et un des plus beaux actes du roi. Vous voyez, c'était ça la cour de Louis XIV. Et je pense que ce jeu de la faveur, qu'a fait Lauzun, il a eu 8 jours de Bastille et puis il en est sorti. Ce jeu avec le feu, c'est caractéristique de la faveur et caractéristique de ce rapport très étrange que Lauzun avait avec le roi. Vous savez que les chansonniers, à une certaine époque, ont prétendu que Lauzun avait été le premier amant de Madame de Montespan avant le roi. Et une chanson disait, faisait parler Lauzun, disant à Louis XIV, « Prenez-la, prenez mes restes, j'en ai usé, j'en ai plus besoin. » Vous voyez, c'est très étrange. Ils ont eu aussi une intrigue commune avec une autre femme, qui était la cousine de Lauzun, et qui a été une amante de Louis XIV, et Lauzun lui en a voulu à mort. Et il a un jour même fait en sorte, elle était assise dans une galerie par terre, et elle avait la main posée derrière elle pour se soutenir, et comme par hasard, il lui a enfoncé son talon pointu au milieu de la paume. Et il a fait comme s'il n'avait pas fait exprès. C'était ça, les rapports. Rapports très, très étranges. Mais des rapports entre les corps, surtout. Oui, et justement, je voudrais... Est-ce que vous me permettez, après mes guiches, de lire 10 lignes de texte? Alors, ça va être évidemment beaucoup moins bien lu. C'est beaucoup plus tard. Lauzun est devenu membre de la famille de Saint-Simon parce qu'il a épousé à 62 ans Mademoiselle de Quintin, qui en avait 15. Ça les gênait pas. D'ailleurs, Louis XIV a bien ri lors du mariage et Lauzun a dit « J'ai eu raison de me marier puisque ça fait rire le roi ». Et donc, un jour que la jeune Madame de Lauzun veut prendre la distraction d'aller voir un défilé militaire des gardes du corps du roi, Lauzun entre dans une fureur absolue devant la famille et le lui interdit. Saint-Simon en est très choqué. Le lendemain, Lauzun vient le voir et lui dit qu'il avait plus de 80 ans, qu'il n'avait ni enfant ni suivant, qu'il avait été capitaine des gardes et que quand il le serait encore, il serait incapable d'en faire les fonctions, qu'il se le disait sans cesse et qu'avec tout cela, il ne pouvait se consoler de ne l'être plus depuis tant d'années qu'il avait perdu sa charge, qu'il n'en avait jamais pu arracher le poignard de son cœur, que tout ce qui lui en rappelait le souvenir le mettait hors de lui-même et que d'entendre dire que sa femme allait mener Madame de Poitiers voir une revue des gardes du corps où il n'était plus rien, lui avait renversé la tête. Cette folie de capitaine des gardes dominait si cruellement le duc de Lauzun qu'il s'habillait souvent d'un habit bleu à galons d'or, qui, sans oser être semblable à l'uniforme des capitaines des gardes du corps au jour de revue ou de changement du guet, en approchait tant qu'il pouvait. C'est tout à fait extraordinaire. De tous les titres qu'il a eus, de tous les rôles qu'il a obtenus, il a été sauvé la reine d'Angleterre, la faire traverser la Manche au moment de la guerre civile. Il a eu des titres considérables, il a été fait duc. Enfin, de tout cela, ce qu'il regrette, c'est le titre de capitaine des gardes. Vous savez ce que c'est, capitaine des gardes ? Non. C'est gendarme de l'Élysée, quoi. Vous voyez ? C'est commandant Proutot. Mais vous ne faites aucune différence entre la royauté et la République, Patrick Dandré. Je me pose la question depuis le début de cette émission quand même. Je ne fais aucune différence dès lors que je pense en termes de pouvoir. Et je vous dirai la même chose des pharaons et je vous dirai la même chose des empereurs romains. Parce que le pouvoir est universel. Et cette fonction de capitaine des gardes, c'est une fonction de confiance. Par exemple, c'est Lauzun qui est allé prendre le nourrisson qui serait le duc du Maine, du ventre de Madame de Montespan pour l'amener dans le sein de Madame de Maintenon qui allait l'élever. Voilà ce que c'était. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui protège les secrets du roi. Imaginez un président de la République qui est une fille adultérine, il faut bien un Lauzun, c'est-à-dire un capitaine des gardes du corps du roi, pour assumer ses fonctions. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a alors entre ces deux hommes un rapport étrange, celui d'un garde du corps avec son maître. Je suppose, chère Adèle Van Rett, que vous n'avez jamais eu de garde du corps. Non. Ben non, moi non plus. Et peu de nos auditeurs certainement. Mais imaginez ce que ça peut être, que vous ou moi, tout à coup promu dans des fonctions extraordinaires, ayant un homme dont le métier, dont le salaire, est d'interposer son corps entre la balle ou le couteau de l'assassin et notre propre vie. Ça vous crée quand même, enfin je ne sais pas, quelque chose comme une obligation, vous voyez. Et sans évoquer des affaires récentes, je me dis qu'entre un garde du corps et un puissant, président ou autre, lorsque l'un des deux faillit, peut-être l'autre ne peut-il pas lui jeter la pierre et le chasser comme si de rien n'était. Et si le garde du corps emporte avec lui son uniforme ou autre chose, des documents par exemple qui peuvent encore lui servir, n'y aurait-il pas, à l'intérieur de cela, une sorte de nostalgie de la fonction perdue ? Vous voyez, il y a là des choses profondes et complexes dont je trouve l'origine dans le carrousel de 1662. Dans le carrousel de 1662, Louis XIV, alors très jeune, jouait le rôle du soleil. Il était déguisé en soleil et autour de lui il y avait des quadrilles avec des chevaliers et l'un d'eux était Lauzun et Lauzun avait choisi pour emblème le tournesol, c'est-à-dire le girasol, c'est-à-dire l'héliotrope, autrement dit une fleur qui se tourne vers le soleil. Et vous savez la devise qu'il avait, alors je ne sais pas s'il l'avait commandée, s'il l'avait choisie, la devise c'est Ne despice amantem, ce qui veut dire ne te détourne pas de ton amant. Et c'est ce que la fleur dit au soleil. C'est ce que Lauzun dit au roi soleil. Alors amantem, je sais bien, ce n'est pas tout à fait amant, ça veut dire celui qui t'aime. Mais enfin, c'est un peu la même chose. Vous voyez le rapport qui peut naître ici. Et de même que on peut aimer sa maîtresse, mais on peut aussi aimer Dieu. On peut aimer ses amis. Je pense qu'on peut aimer son roi quand on est son favori ou son garde du corps. Et qu'il y a là une relation d'affectivité qui amène à modérer bien des jugements, à comprendre en profondeur bien des attitudes et à éviter bien des procès, parce que la lecture de Saint-Simon nous amène à relativiser et à comprendre en profondeur les choses, et notamment comment, à l'intérieur du pouvoir, dans cette espèce de, disons, d'exacerbation du désir que suppose le pouvoir. C'est pour ça que les rois et les princes ont beaucoup de maîtresses, comme Louis XIV, et Lauzun autant, était autant homme à femme que son roi. Dans cette relation étrange, je dirais qu'il y a une part d'affectivité impondérable et qu'il faut prendre en compte pour savoir comment fonctionne une société, comment fonctionne le pouvoir. Je regrette, Patrick Dandré, que vous ne soyez pas avec moi en studio, car au moment où vous avez parlé du soleil et du tournesol, le soleil est passé par la fenêtre du studio et a éclaire encore les visages de Nicolas Berger et de Valérie Lavalard derrière la vitre. C'est absolument extraordinaire. Je vous avoue que chez moi, le soleil traverse la vitre et voyez me fatigue horriblement. Ah bon, bah parce que vous êtes 17e et vous avez la morale sombre telle Saint-Simon, c'est pas mon cas. Il est très chaud. Le 14 avril 1711, le grand dauphin que Saint-Simon appelait Monseigneur meurt soudainement. Pour Saint-Simon, une telle mort est d'abord un événement politique, mais qu'il raconte avec un plaisir indéniable que je vous propose d'écouter dans ce 4e et dernier texte. Le plus grand nombre, c'est-à-dire les sots, tiraient des soupirs de leurs talons et, avec des yeux égarés et secs, louaient Monseigneur, mais toujours de la même louange, c'est-à-dire de bonté, et plaignaient le roi de la perte d'un si bon fils. Les plus fins d'entre eux, ou les plus considérables, s'inquiétaient déjà de la santé du roi. Ils se savaient bon gré de conserver tant de jugements parmi ce trouble et n'en laissaient pas douter par la fréquence de leurs répétitions. D'autres, vraiment affligés et de cabale frappés, pleuraient amèrement, ou se contenaient avec un effort aussi aisé à remarquer que les sanglots. Les plus forts de ceux-là, ou les plus politiques, les yeux fichés à terre et reclus en des coins, méditaient profondément aux suites d'un événement si peu attendu, et bien davantage sur eux-mêmes. Parmi ces diverses sortes d'affligés, point ou peu de propos. De conversation, nul. Quelques exclamations parfois échappées à la douleur et parfois répondues par une douleur voisine. Un mot en un quart d'heure. Des yeux sombres ou hagards. Des mouvements de main moins rares qu'involontaires. Immobilité du reste presque entière. Les simples curieux et peu soucieux, presque nuls. Or les sots qui avaient le caquet en partage, les questions et le redoublement du désespoir des affligés et l'importunité pour les autres. Ceux qui déjà regardaient cet événement comme favorable avaient beau pousser la gravité jusqu'au maintien chagrin et austère, le tout n'était qu'un voile clair qui n'empêchait pas de bons yeux de remarquer et de distinguer tous leurs traits. Ceux-ci se tenaient aussi tenaces en place que les plus touchés, en garde contre l'opinion, contre la curiosité, contre leur satisfaction, contre leur mouvement. Mais leurs yeux suppléaient au peu d'agitation de leur corps. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Adèle Van Rett. Je suis au regret de vous annoncer, Patrick Dandré, non seulement que le grand dauphin est mort, mais que vous n'avez plus que 4 minutes pour commenter ce texte. Ça ne fait rien, vous savez, il dit tout le texte. C'est-à-dire que nous avons commencé par l'intrigue, nous terminons par le simulacre. La mort qui est la chose la plus importante, qui appelle le respect, la grandeur, Bossuet, au moment de l'agonie du règne, qui est aussi l'agonie du siècle, la mort devient une vacuité pure. Vacuité des réactions, vacuité des attitudes, avec une seule chose qui domine, l'acuité de l'œil, l'acuité du regard. Avez-vous vu, entendu dans le texte que nous avons entendu tout à l'heure, les yeux égarés, les yeux fichés à terre, les yeux sombres ou hagards, ceux qui déjà regardaient, un voile clair, de bons yeux, leurs yeux suppléaient au peu d'agitation de leur corps, et dans la ligne qui suivait, il y avait un certain soin de s'éviter les uns les autres, même de se rencontrer des yeux. Les yeux, ce sont les fenêtres de l'âme. Elles ouvrent vers quoi ? Elles ouvrent vers l'intérêt. L'intérêt qui est la seule chose qui compte. Et cet intérêt, il est mu par quoi ? Par la courtisanerie, la passive qui s'appelle la flatterie, l'active qui s'appelle l'intrigue. Comme si le fait d'être parti à Versailles avait mené la cour hors du réel et le ministère avec. La cour n'a plus de lien avec la réalité. Elle vit dans le simulacre autour d'un roi divinisé. Et s'y passe alors cette révolution du sacré que souvent nous reprochons à l'élection du président de la République au suffrage universel dans la cinquième. C'est que ce n'est plus le sacre qui divinise le roi, c'est le roi qui sacre le pouvoir d'État, qui sacre ses propres décisions. Et ces décisions, en apparence sacrées, Saint-Simon nous révèle qu'elles sont prises par des brigues, des intérêts, des combinaisons, des ressorts et des stratagèmes, par des favoris, par ce qu'est justement l'ozin. Bref, le simulacre qu'est la cour gangrène y compris le pouvoir, puisque le pouvoir est à la cour et que les ministres se réunissent au lieu où se tient la cour. Et je dirais donc, et c'est un peu en quoi l'intrigue me paraît le fil directeur de la conversation que nous avons eue, que l'intrigue singe le pouvoir en le remplaçant par des simulacres. Il y a là, me semble-t-il, une espèce de génie de la contrefaçon que le règne de la faveur, l'ozin, met bien en évidence et qui constitue l'image atroce, finalement, de l'anéantissement de tout que Saint-Simon nous décrit ici à propos de l'anéantissement d'un homme. Enfin, cette scène est vraiment prodigieuse. Oui. C'est sur le théâtre du monde, le bal des apparences. C'est le bal chez Temporel, c'est le bal à la Vaubyessard, et on a l'impression que l'univers de Saint-Simon, je voudrais le résumer par une citation, si vous me permettez, pour terminer notre conversation, je vous en prie. De la lire. On a l'impression que le monde de Saint-Simon, c'est un monde arrêté, figé, s'effritant, se dépiautant, s'écroulant peu à peu par morceaux comme une bâtisse abandonnée, inutilisable, livré à l'incohérent, nonchalant, impersonnel et destructeur travail du temps. De qui est cette citation ? Nos auditeurs le découvriront. C'est de vous ? Je suis sûr qu'ils sont souvent... Oh, pas du tout ! Pas du tout ! C'est même d'un prix Nobel de littérature. Bah... et d'un prix Nobel récent. Je n'aurais pas été à ma dernière surprise vous concernant. Eh bien, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ? Que nos auditeurs aillent sur la route en quête de cette citation. Et si elle les mène en Flandre, ils auront tout compris. C'est vous l'intrigant, Patrick Dandré. Merci infiniment d'être venu ce matin nous parler de Saint-Simon, de nous avoir donné envie de le lire, tellement d'ailleurs. On se quitte avec Jean-Baptiste Lully. C'est une suggestion de votre part, pourquoi ce choix ? Ah bah parce que Lully, c'est la musique du roi et ce fut aussi à la fois un flatteur, un courtisan et un immense génie. Et que de toute façon, la musique est peut-être ce qu'il reste de plus beau quand on a abolit tout pouvoir, toute idée, enfin bref, cette émission est un véritable désastre qui nous livre au dépiautement du travail du temps. Alors il faut bien un peu de musique pour se regonfler, n'est-ce pas, chère Adèle ? On peut également lire votre intrigue du mariage de Monsieur le Duc de Berry de Saint-Simon aux éditions Garnier Flammarion que vous conseillez à tout étudiant en sciences politiques ou bien Quand Versailles était comté, la cour de Louis XIV par les écrivains de son temps aux éditions Les Belles Lettres. Merci Patrick Dandré. Merci à vous. À bientôt et voici donc Lully. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question aujourd'hui, est-ce que tout se passe sur l'écran d'un smartphone aujourd'hui ? Conseil pour plus tard, ne jamais écouter tous ceux qui déplorent qu'on regarde le monde à travers la meurtrière de nos smartphones. Ne jamais faire confiance à ceux qui se sentent libres car ils se sont débarrassés de leur téléphone. Se passer de smartphone aujourd'hui, ce troisième œil poussé sur notre front, ce don de double vue accordé à chacun, c'est passer complètement à côté de la réalité du monde. Mais alors, qu'est-ce que vous avez vu de si spécial dans ce smartphone? Récemment, un couple d'influenceurs qui marchait au ralenti sur la place de la Concorde pendant la Fashion Week et cet improbable clip de propagande de l'armée azérie. Otlar yurdu doğma diyar, kadim tarih mabedim sensen. Kişiğinde serkerden var, güneş kine ebedi sensen. Çok az kalıp zaman çatar, bu dünyada hak yerin tapar. Torpakların hududlarda tongallar yanar. Péchu, et encore, il faut voir les images. Mais on est d'accord, Aurélien, pour l'instant, que ces deux événements, la Fashion Week et la guerre du Haut-Karabakh, n'ont rien à voir. Oui, rien à voir. Et il m'a fallu d'ailleurs pour les réunir un troisième terme. J'ai suivi, sur WhatsApp, une représentation des Perses d'Achille par texto. Oui, d'ailleurs, il m'a fallu pour les réunir un troisième terme. J'ai suivi, sur WhatsApp, une représentation des Perses d'Achille par texto. Mais là, vous m'avez perdu, on s'éloigne encore plus, non? Oui, incontestablement. D'autant que les Perses s'éloignaient eux-mêmes en devenant peu à peu, à mesure que le fil de discussion avançait, une sorte de space opéra. Et je me suis dit qu'il était étrange qu'après tout ce temps, on s'imagine encore la guerre comme on se la représentait. Alors, quelque chose comme un affrontement en ligne entre puissances opposées. En remplaçant au besoin les trirèmes par des vaisseaux spatiaux. Mais la guerre d'aujourd'hui, spécialement depuis la décomposition de l'URSS et l'apparition de conflits plus ou moins gelés à ses marges, ne ressemble définitivement plus à ça. On ne sait jamais trop qui se bat, ni sur quel théâtre. Et faire la guerre aujourd'hui, c'est assurément entretenir cette confusion. Et cela m'a ramené à mes influenceurs de la Concorde, qui marchaient d'un même pas, comme de soldats du défilé du 14 juillet, oubliés là, avec leur grand pull Dior. Oui, enfin là, il s'agissait pas d'une opération sous faux pavillon. Mais étaient-ils vraiment des soldats de la marque Dior? Probablement, dans la mesure où il devait s'agir, comme on dit, d'un contenu sponsorisé. Mais je suis certain que, de leur point de vue, comme de celui des miliciens du Donbass, les choses n'étaient pas si tranchées. Ils devaient vraiment aimer Dior, d'un amour pur et patriotique, aimer le bassin du Donetsk, indépendamment des velléités hégémoniques de Vladimir Poutine. Et mes influenceurs auraient ainsi tout aussi bien pu marcher avec des pulls Chanel. Ils ne devaient pas être tenus par un contrat d'exclusivité. Ce n'étaient pas des mannequins, mais des influenceurs, à la fois agents et objets d'influence. C'était à la marque, toujours, de les convaincre, de la suivre. Alors après les batailles bien rangées de l'ère classique, après le front fractal de la guerre asymétrique, on serait entré dans un troisième âge de la guerre, celui où les soldats ne sont pas certains qu'ils la font et où ceux qui les commandent ne sont jamais assurés qu'ils seront obéis. Au mieux, on peut les circonscrire à un terrain qui sera à la fois le camp de recrutement et le champ de bataille, un terrain exigu mais si petit qu'on peut toujours l'emporter avec soi et qu'à tout moment, on peut décider d'entrer ou non dans la bataille, d'y entrer presque distraitement. Donc pour reprendre votre question initiale et esquisser une conclusion, vous dites que tout se passe aujourd'hui sur l'écran d'un smartphone, y compris la guerre? C'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivé et l'Azerbaïdjan, avec moi, qui fit soudain surgir dans son clip de propagande, en plein champ de bataille, la figure incongrue, trop maquillée et belle comme un like, d'une influenceuse. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Avril Poignant-Le Goff, en compagnie de Manon de la Selle, Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui a réalisé cette émission. À la prise de son, c'était Valérie Lavalard. Daniel Mesguich a prêté sa voix à Saint-Simon toute cette semaine, qu'il en soit infiniment remercié, ainsi qu'évidemment tout le reste de l'équipe que je viens de citer qui pour cette série a accompli un travail particulièrement colossal. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe qui, chaque vendredi, donne la parole à ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, nous serons en compagnie de Maxime Rovert. D'ici là, si vous souhaitez écouter cette émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster, eh bien téléchargez l'application Radio France sur votre téléphone. Vous pourrez faire ces deux choses-là. Alors peut-être pas simultanément, mais ce sera une bonne manière d'écouter l'émission quand vous ne pouvez pas l'écouter en direct. On vous attend également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires. À demain, 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.